Lorsque l'on veut que quelqu'un fasse quelque chose, il faut aussi changer de terminaison et utiliser le subjonctif. Il existe beaucoup d'expressions courantes en espagnol qui impliquent directement ou indirectement que l'on demande à quelqu'un de faire quelque chose. Ces expressions sont toujours suivies du subjonctif. En général, on utilise aussi du subjonctif en français dans ces expressions. Et si nous nous entraînions avec quelques exemples? Allez, c'est parti! Comment diriez-vous à une personne que vous vous voyez « Je veux que vous veniez ce soir »? Quiero que venga esta noche. Quiero que venga esta noche. Voici un autre verbe qui requiert le subjonctif. Il s'agit de « préférer ». Donc, comment diriez-vous? Je préfère que tu viennes ce soir, Carmen. Prefiero que vengas esta noche, Carmen. Prefiero que vengas esta noche, Carmen. Vous pouvez aussi utiliser « desear ». D-E-S-E-A-R. Pour dire « désirer, souhaiter ».« Deseo que vengas esta noche, Carmen ». ».« Je souhaite que tu viennes ce soir, Carmen ». Si « proposer » se dit « proponer », P-R-O-P-O-N-E-R, comment diriez-vous « Nous proposons que tu viennes ce soir, Carmen ». ».« Proponemos que vengas esta noche, Carmen ».« Proponemos que vengas esta noche, Carmen ». Proponer, comme componer, supponer ou opponer, fonctionne comme poner. Je suppose que vous l'aviez deviné. Continuons. Il est important de noter qu'en espagnol, on utilise le subjonctif après des verbes indiquant que l'on permet, autorise, interdit, empêche quelqu'un de faire quelque chose. En général, on a aussi un verbe au subjonctif en français dans ces expressions. Il suffit donc de suivre le même modèle. Vous le savez déjà, mais je vous le répète au cas où, le subjonctif en français, c'est par exemple « vienne »,« fasse »,« aille », etc. Voici un autre exemple. Traduisez-moi. « Je ne permets pas qu'il vienne ce soir. » « No permito que venga esta noche. » « No permito que venga esta noche. » Et lorsque vous exprimez une émotion, le verbe change aussi de catégorie. Les émotions sont variées. Vous pouvez exprimer la joie, le regret, la surprise, la colère, le doute, l'espoir ou la peur, pour n'en citer que quelques-unes. Comme vous le savez, « temer » signifie « craindre ». On peut aussi traduire « temo que » par « j'ai bien peur que ». Donc, si « au fait » se dit en espagnol « por cierto », « por » P-O-R, plus loin, cierto, F-I-E-R-T-O. Comment diriez-vous? Au fait, j'ai bien peur qu'il ne puisse pas venir ce soir. Por cierto, temo que no pueda venir esta noche. Por cierto, temo que no pueda venir esta noche. Et votre vieil ami, me alegro de que, je suis content ou contente que, je me réjouis que, est aussi suivi du subjonctif. Notez que l'on dit « de que » après « me alegro ».« Me alegro de que ». Donc, comment diriez-vous « Je suis content que tu puisses venir ce soir ».« Me alegro de que puedas venir esta noche ».« Me alegro de que puedas venir esta noche ». Pensez bien au « de que » dans cette expression. « Sentir que »« être désolé » est aussi suivi du subjonctif. Puisqu'on exprime une émotion. On dira alors « Siento que esté enfermo ». Je suis désolé que vous soyez malade. Comment direz-vous « Je suis désolé que vous ne puissiez pas venir ce soir ». Siento que no pueda venir esta noche. Siento que no pueda venir esta noche. Vous pouvez aussi utiliser l'expression très courante « Es una lástima ». C'est dommage. Donc, comment direz-vous? C'est dommage que tu ne puisses pas venir ce soir, Carmen. Es una lástima que no puedas venir esta noche, Carmen. Es una lástima que no puedas venir esta noche, Carmen. En utilisant dudar, douter, dites-moi, Nous doutons qu'ils puissent venir ce soir. Dudamos que puedan venir esta noche. Dudamos que puedan venir esta noche. Lorsque l'on exprime une opinion, on passe également au subjonctif en espagnol. En français, on a d'ailleurs aussi du subjonctif. Donc, si « c'est incroyable » se dit « es increíble » I-N-C-R-E-I accent aigu B-L-E, comment direz-vous « c'est incroyable qu'ils viennent ce soir » Es increíble que vengan esta noche. Es increíble que vengan esta noche. Dites-moi maintenant, c'est bien que Carmen ne puisse pas venir ce soir. En utilisant, está bien que. Está bien que Carmen no pueda venir esta noche. Está bien que Carmen no pueda venir esta noche. Notez qu'avec bien, on utilise toujours está. Il y a énormément d'expressions qui sont suivies du subjonctif en espagnol. Il faut juste se souvenir qu'on l'utilise pour exprimer quelque chose de subjectif, comme une volonté, un sentiment, une opinion, etc. On l'utilise aussi dans des tournures telles que « il est nécessaire que », « il est impossible que » ou « il est normal que ». Dans tous les cas, l'emploi en espagnol et en français est très similaire. Donc, comment diriez-vous « il est nécessaire que tu viennes ce soir » Es necesario que vengas esta noche. Es necesario que vengas esta noche. Mais comment diriez-vous? Il est nécessaire d'étudier ce soir. Es necesario estudiar esta noche. Il fallait bien garder le verbe nu ici et ne pas le faire précéder de, comme en français. Es necesario estudiar esta noche. Ce n'est pas un message subliminal, hein? Ne vous inquiétez pas. Quand la phrase est au passé et qu'elle requiert un subjonctif, on utilise le subjonctif imparfait. Un petit rappel toutefois. En français, on n'utilise plus tellement ce subjonctif imparfait à l'oral. Il est souvent rendu par du subjonctif présent. Donc, ne vous fiez pas au français. Si en espagnol, la phrase est au passé, utilisez le subjonctif imparfait. Dites-moi alors, il était impossible qu'il puisse arriver ce soir. Era imposible que pudiera llegar esta noche. Era imposible que pudiera llegar esta noche. Vu que l'on a été ou era en espagnol, il faut utiliser pudiera. Traduisez-moi maintenant. Il est improbable qu'il puisse venir ce soir. Es improbable que pueda venir esta noche. Es improbable que pueda venir esta noche. Vous voyez la différence? Dans cet exemple, on a un verbe au présent, es. Donc, ensuite, il faut utiliser le subjonctif présent. Dis maintenant, ce fut nécessaire qu'elle vienne rapidement. Fue necesario que viniera rápidamente. Fue necesario que viniera rápidamente. Vu que l'on a le passé sans plongeoir, fue. On emploie ensuite le subjonctif imparfait, viniera.